début, on se moquait de lui. L'illuminé, on l'appelait. Et maintenant que le monde vient à lui, c'est notre grand saint, le vénérable ermite. Et pour le bon poids, on invente encore des miracles. On raconte que Nicolas n'a rien mangé depuis des mois, sauf la Sainte Hostie, une fois par semaine. Mais on raconte beaucoup de choses, vous savez. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il se lève tous les jours à minuit pour la prière.